Donc les soirées refuges, c'est un temps qui a été pensé pour vous, les guides en 2030 glorieuses, qui animaient régulièrement des ateliers de voyage pour libérer les imaginaires. Vous avez tous et toutes des profils différents, des compétences, des expériences, des forces, mais aussi des choses à améliorer différentes. Et donc, on a envie de vous choyer, on a envie de vous chérir et de vous offrir une fois par mois, si on arrive à bien s'organiser, un moment avec des personnes qui sont inspirantes, expérimentées, qui ont cheminé sur ces sujets, des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, de la démocratie participative, mais plein d'autres choses aussi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on reçoit Audrey Fortassin, qui est notamment coprésidente de Démocratie Ouverte, qui m'a été présentée par Arthur, qui fait partie de la team Marseille, pleine de mauvaise foi sur la supposée météo de Marseille, même si, parenthèse ouverte, il n'y a pas longtemps, j'ai dû regarder quelle était la ville ensoleillée, la ville la plus ensoleillée de France, et le résultat était bel et bien Marseille. Et avec Audrey, on va avoir deux temps dans notre échange. Un temps où on va faire un ping-pong tous les deux, et un peu depuis les 2030 glorieuses, et puis un temps ensuite où vous arrivez avec vos questions pour justement continuer à creuser soit des sujets qu'on aura commencé à aborder, soit d'autres questions qui vous viennent au gré de nos échanges. Audrey, je te pose la première question qu'en fait je pose maintenant à tous les invités du podcast, donc je me permets de faire ça, je trouve ça marrant. Mais imagine que tu es dans un événement là où voilà, tu viens d'arriver justement dans un nouveau lieu, tu rencontres des inconnus, et tu sais, c'est la question fatidique qu'on redoute pas d'ailleurs, je sais pas si nous on la redoute cette question. Tu fais quoi dans la vie? Tu réponds quoi toi maintenant? Alors en ce moment, je réponds, je cherche ce que je vais faire après. Mais c'est pas mal aussi d'être en transition de temps en temps, ça m'est déjà arrivé. Donc, mais ce que je fais concrètement, c'est que je réponds en général que je suis engagée sur les sujets de citoyenneté, de démocratie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir citoyen. Donc, comment est-ce qu'en tant qu'individu au sein d'un collectif, en gros, on peut se retrouver de nouveau face à nos forces, quoi, et à ce pouvoir. Voilà. Et essayer de débloquer un petit peu les blocages et d'activer les leviers qui permettent de s'émanciper un peu de tout ça. Et de l'amorosité ambiante, surtout. Oui, l'amorosité ambiante, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, avec ton travail, tu essayes de nous faire réaliser les pouvoirs qu'on a dans les mains. Je pense que vraiment, c'est vraiment là ce que tu faisais avec Démocratie Ouverte. Oui, complètement. En fait, c'est un peu mon... J'ai l'impression que c'est un peu... Mais ce n'est pas du tout pensé dès le début. C'est-à-dire, je ne me suis pas réveillée en sortant de mes études en me disant, moi, ce que je veux faire, c'est révéler le pouvoir chez les gens. Mais en fait, c'est un petit peu ce qui traverse effectivement toutes mes expériences au travers à la fois de mes engagements associatifs, mais aussi de mon travail. Donc, je suis commerciale de métier. Mais depuis 3 ans, en fait, j'étais directrice d'association. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a tout à voir puisque ça me relie quand même au sens et à l'impact que j'ai envie d'avoir, à savoir donner du pouvoir aux individus, leur montrer aussi de quoi ils sont capables, valoriser. Et puis, voilà, c'est ça. Mettre en avant en fait les uns et les autres. Et c'est un peu ce que tu fais quand tu es commercial, c'est-à-dire que à la fois tu sublimes quelque chose que tu vends parce que bah, tu le présentes de la meilleure manière, tu y crois, donc ça envoie des bonnes vibes, quoi. Et en même temps, tu aides aussi quelqu'un. Alors moi, j'ai souvent fait de l'accompagnement de projet, etc., pour aider les gens à, je sais pas, utiliser un outil, être plus performant, donc ça va un peu de pair, quoi. Voilà. Et puis bien sûr, dans mes engagements associatifs, par la formation politique, l'éveil à la citoyenneté, tout ça, ça va dans le même sens. Tu parles tout de suite de valoriser. Est-ce que tu as l'impression, toi qui dis, dès le début, tu mets les pieds dans le plat, moi je suis commercial, ça me fait bizarre parce qu'en fait, j'ai un frère qui est commercial et il ne travaille pas du tout en tant que coprésident chez Démocratie Ouverte, tu vois. Donc apparemment, en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui, comme disait le grand philosophe. Mais tu dis valoriser. J'ai de temps en temps entendu que bah, dans le monde associatif, ça n'est pas bien se valoriser. Que ce soit sur les projets, les organisations, les impacts, mais aussi les personnes qui composent ces structures. Est-ce que toi, avec tes yeux bah, de commercial, tu t'es toi-même défini comme ça, donc je me permets de le reprendre. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait ce défaut de valorisation, qu'il y avait un besoin de mieux nous outiller par rapport à comment on regarde la valeur qu'on apporte et comment on regarde la valeur qu'on crée et comment on ose aussi mieux la valoriser peut-être? Oui, c'est hyper important parce que en fait, derrière valoriser, je trouve qu'il y a... Il y a plusieurs concepts qui peuvent être un peu contre-intuitifs, mais qui ne le sont pas du tout. Il y a valeur comme ça fait penser à, je sais pas, ça fait penser à l'argent, en fait, tout de suite. Valoriser, c'est mettre un prix sur quelque chose. Alors qu'en fait, valoriser, c'est aussi apporter de la valeur au sens, rendre beau, sublimer, célébrer, voilà, aimer. Donc, du coup, moi, je le vois plutôt sur ce pan-là, bien sûr. Et en fait, mon métier de commercial, et c'est pour ça aussi que je me définis souvent, je dis souvent, en fait, je suis commercial de métier, parce qu'en fait, mon métier, c'est un peu ce qui vient avec le package de compétences que je mets derrière. Et donc, en fait, être commercial, ça veut dire plein de choses. Pour moi, ça veut dire être à l'aise avec le relationnel, ça veut dire savoir construire une offre, ça veut dire savoir me vendre, mais aussi présenter les choses de la bonne manière pour que la personne en face de moi les comprenne. Ça veut dire être capable d'aller chercher des financements pour une organisation, pour une asso. Ça veut dire être capable de convaincre, de me faire aimer, voilà, de me faire des amis. Et donc, tout ça, c'est des compétences que je mets aussi un peu au service de ce que j'ai envie de, voilà, de défendre, en fait, comme cause. Donc, il n'y a pas de gêne pour moi à dire que je suis commerciale. Et au contraire, du coup, ce que j'ai envie de faire et ce que j'essaie de faire au travers, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis du coup formatrice et coach commerciale à mon compte, à côté de mes différents métiers. C'est ça aussi que j'essaie de transmettre, c'est de dire, bah, en fait, tu peux ne pas avoir honte d'avoir envie de valoriser, de vendre, entre guillemets, quelque chose. Et toi, la première, et tu as raison, dans le milieu associatif, on a un peu du mal à se mettre en avant aussi parce qu'on se cache ou on nous intime un peu de se cacher derrière le bien commun, l'intérêt général, le collectif. Donc, en fait, l'individu n'a pas le droit d'exister là-dedans. Il n'a pas le droit de se mettre en avant. C'est presque un peu malsain, ceux qui ont envie de se mettre en avant dans le cadre du bénévolat, dans le cadre de, voilà, de ces espaces dans lesquels on est censé défendre une cause plus grande que nous. Alors qu'en fait, ça commence quand même par nous, hein, n'est-ce pas? Ça commence par moi, je crois. C'est ça le truc. J'ai entendu parler d'un projet comme ça, ça me dit vaguement quelque chose, mais nous, en 2030 Girls, on est carrément sur le collectif, effectivement. Je t'entendais parler là de tout ce que tu développais, de tout ce que tu avais comme compétences, et je me disais, en fait, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, parce que finalement, une personne qui a ses compétences peut très bien les utiliser pour devenir, moi j'ai l'impression, président de la France, hein, de bien se vendre, de bien séduire les gens, de comprendre les envies, les besoins, de raconter des histoires. Mmh. Ça peut être mis aussi à profit d'histoires qui sont en fait assez égoïstes, individuelles, autocentrées. Et là, en l'occurrence, nous, on essaie de faire exactement l'inverse. Donc, si je suis un peu provocateur, en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des commerciaux en 2030 glorieuse, tu vois, dans une société où on aurait vu de nouvelles abondances, où on aurait beaucoup plus besoin de coopération, beaucoup plus besoin d'entraide, beaucoup plus besoin d'humilité aussi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de se vendre? Est-ce qu'on peut encore se vendre? Est-ce que toi, tu as dans ton panier de compétences, il y a des choses qui restent encore utiles en 2030 glorieuse? En fait, ce que je pense là-dessus... c'est que la posture, en fait, c'est pas un métier, c'est presque une fonction commerciale, c'est une posture, en fait, comme je la vis moi, en tout cas, comme je l'aperçois. Et donc, ma réponse, c'est un grand oui. On a besoin de personnes ayant une posture commerciale. Pourquoi? Parce que, de la manière dont moi je le défends, en tout cas, on a besoin de personnes qui sont à l'écoute des besoins, qui ont la capacité d'analyser et de comprendre comment apporter des solutions aux problématiques. Et c'est ça aussi un commercial, c'est quelqu'un qui normalement connaît très bien son produit, y croit, l'aime et a envie de le présenter parce qu'il est persuadé qu'il répond à un besoin. Alors, à tort ou à raison, il ne faut pas non plus tomber dans le techno-solutionnisme, etc. Mais moi, ces compétences-là de dire, ben, en fait, je sais comment convaincre quelqu'un que j'ai une solution pour l'aider. Je sais comment questionner quelqu'un pour m'assurer en fait de comprendre ce dont elle a besoin, qu'est-ce qu'elle traverse cette personne et quels sont potentiellement les outils, les idées, les personnes avec qui elle a peut-être besoin, voilà, d'être mise en relation. Et après, je sais lui présenter en fait les choses pour que elle se dise, ah bah oui, cette personne-là m'a comprise. Je sais la mettre à l'aise. Je sais lui montrer que je l'écoute aussi. Et donc ça, on en aura toujours besoin en fait. On aura toujours besoin de personnes qui seront ces espèces de traducteurs aussi, je pense, entre deux types de personnes, ceux qui développent des solutions parfois techniques et ceux qui ont des problèmes et des besoins. Et donc je pense que c'est une interface. On n'a pas besoin d'appeler ça un commercial. On peut appeler ça un lien, un médiateur, un conseiller. Voilà, tous ces métiers-là sont des métiers avec une base fondamentale pour moi de commercial. Donc, c'est pas toujours une question de prix. On ne parle pas forcément de gagner de l'argent. On apporte de la valeur, par contre, par ce métier, je pense. On reviendra sur cette question de valeur qui est centrale sur les 2030 glorieuses. Nous, on a essayé avec Arthur de développer une stratégie par rapport à ça. Et j'aimerais bien que tu nous la que tu nous la challenges un peu et que tu nous dises ce que tu en penses. Mais avant ça, je me rendais pas compte que ça allait devenir le cas, mais finalement, j'ai presque tendance à croire qu'on va transformer cet échange en séance de coaching personnalisée pour moi-même. Je profite de tes compétences. Parce que moi, quand on me dit être commercial, j'ai vraiment l'impression que toute ma vie, j'ai pas du tout appris à faire ça. Et d'une certaine manière, en regardant ce qu'on est en train de vivre en 2024, j'ai l'impression que je suis en fait un excellent commercial sans le vouloir, parce que ben, on répond à un besoin prépondérant chez les Français qui est celui de recréer un lien de désirabilité avec l'avenir, de se dire que demain pourrait être mieux, ou en tout cas que demain n'est pas foutu, de vouloir rêver, de vouloir regarder le futur avec gourmandise, avec joie aussi. Et du coup, j'arrive pas, moi, avec ma mallette, je tape pas aux portes, je démarche personne, et pourtant j'ai l'impression que je suis un bon commercial, mais je sais pas dire pourquoi. Est-ce que là, maintenant, on ne s'est pas parlé beaucoup, mais au regard de ce que tu vois des 2030 Glorious, qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les forces qu'on a, nous, avec les 2030 Glorious, et en l'occurrence, peut-être avec notre binôme, je ne sais pas moi, pour dire qu'on est des bons commerciaux. On n'a jamais démarché personne, t'imagines ? Un bon, mais il n'y a pas besoin de faire du démarchage. D'ailleurs, en général, les structures qui, on va dire, apportent le plus de valeur et sont connues et reconnues en tant que telles, c'est des personnes ou des structures qui vont avoir, en général, plus de ce qu'on appellerait j'utilise du vocabulaire de commercial, hein, vous m'excusez, des appels entrants. Donc, c'est plutôt des personnes extérieures qui vont venir vers elles en disant « Ah, ben, j'ai entendu parler de vous » ou quand on leur parle de ce qu'on fait « Ah oui, je vois ce que c'est, ah oui, je connais, ah oui, c'est génial. » Et donc, on reçoit tout de suite des stimuli positifs, en fait, de l'extérieur. Et donc, ça veut dire que quelque part, en amont, on a bien travaillé. On a bien travaillé à la fois sur le fait d'expliquer ce qu'on fait, etc., de la bonne manière, mais aussi potentiellement de construire le bon message pour qu'il arrive aux bonnes personnes. Pour vendre bien, pour être un bon commercial, si tu veux, en gros, il faut trois trucs. Il faut se connaître soi, donc connaître ses forces, savoir là où on est bon, prendre soin de soi, donc être fort sur l'introspection, l'auto-analyse, en gros, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais pas bien, etc. Connaître l'autre, donc être capable de comprendre ses besoins, de questionner, d'être dans le questionnement, et donc beaucoup dans l'écoute, hein, c'est aussi, ça tire sur soi, quoi, de connaître aussi l'autre en face, et pas de faire des suppositions. Et enfin, de connaître, d'aimer ce qu'on vend, donc de connaître ce qu'on vend, et donc voilà. Et je pense que ça, ces trois cases-là, tu les coches en fait. Tu les coches complètement, quoi, parce que tu as pris le temps de te demander sur tout ton cheminement d'engagement de toutes ces années. On s'est rencontrés, je pense, il y a plus de 10 ans, la première fois, sans vraiment se voir, dans ces rencontres d'acteurs du changement, où tu te demandais un peu comment agir, comment avoir un impact sur le monde. Tu étais en train d'apprendre à te connaître. En tout cas, tu avais déjà avancé sur ton processus. Et puis ensuite, tu t'es tourné vers les autres. Tu t'es dit de quoi on a besoin dans ce monde. Qu'est-ce que je peux répondre, à quoi je peux répondre comme besoin, et quels sont, qu'est-ce qui est justement, comment combattre l'amorosité ambiante. Et donc, il faut penser l'utopie. Il faut amener les gens à rêver, à se projeter dans la suite. Et donc, bien sûr, tu as construit quelque chose que tu aimes et que tu vends avec plaisir. Et donc, forcément... pour moi, c'est ça qui fait que tu as l'impression de ne pas être commercial, parce que tu fais quelque chose naturellement qui répond en fait de manière assez catégorique à ces trois besoins-là, si je les théorise un peu, quoi, en gros. J'aurais tendance aussi à penser que l'idée, et tu l'as dit là presque en début de ta dernière réponse, on m'identifie et donc on sait qu'on peut venir vers moi. Et donc l'idée... d'être identifié, de se montrer comme un phare utopiste, enthousiasmant, je ne sais pas comment le qualifier, c'est une condition presque sine qua non pour réussir à attirer à soi des gens qui ont compris ce qu'on fait, qui ont d'autant plus envie de travailler avec soi. Et je me pose la question de savoir si, parce que de temps en temps, je donne ce conseil, il y a des gens qui me disent, moi, comment je fais? Là, j'ai envie de devenir guide, j'ai envie d'attirer des gens à moi, j'ai envie d'animer des voyages en 2030 Glorious pour, pourquoi pas, réussir à en vivre. Moi, je leur dis que peut-être une stratégie qui peut paraître un peu long terme, c'est de commencer à raconter des histoires. Tu as dit, un commercial, c'est aussi quelqu'un qui raconte des histoires, et donc d'utiliser la force des réseaux sociaux, de, je sais pas, réussir à signer une tribune régulière dans un journal local, de se faire identifier comme quelqu'un qui a décidé de se positionner sur ces sujets, de les creuser, de les mettre en avant, et que ça, en fait, ça va permettre d'attirer à soi des gens et que finalement, ça prend moins d'énergie que d'aller taper aux portes, d'aller créer des besoins chez des gens qui ne les ont pas forcément et d'avoir tout un tas de conversations qui pourraient être en fait assez frustrantes parce que les gens, ils n'ont pas compris qu'ils avaient besoin de ces utopies et que ça va prendre un temps fou et puis finalement, ça peut-être pas forcément même advenir ce voyage en 2030 heureuse. Je me trompe? Est-ce que ça, c'est une stratégie applicable pour tout le monde? Ça tient du génie ou en fait c'est du génie pur. Personne n'y avait pensé derrière, avant. Est-ce qu'en plus, derrière, il n'y a pas aussi l'idée que ça aussi, c'est possible sur un territoire un peu plus à taille humaine, plutôt qu'à une échelle nationale que me permet en l'occurrence typiquement le podcast? Oui, ouais, carrément. Il n'y a pas de stratégie idéale, parfaite il y a des idées, des stratégies qu'on peut mettre en place qui fonctionnent avec un temps, qui fonctionnent avec certaines personnes. Donc, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la cible, donc des personnes qu'on vise. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une stratégie de prospection à long terme, à moindre coût, mais au démarrage, qui demande en fait beaucoup d'énergie, qui, en groupe, en collectif, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous avez ici aussi avec ce groupe de guides d'entraide et d'écoute, de partage de compétences, la possibilité d'être accompagné en fait dans ça. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont plus ou moins à l'aise effectivement avec le fait de faire ce que tu appelles, Julien, en fait, c'est du personal branding en fait, hein. C'est ce qu'on appelle du personal branding, c'est-à-dire de se mettre en scène quelque part dans son entourage ou en tout cas de se faire identifier comme une personne effectivement ressource sur un certain nombre de sujets. Mais en fait, pour ça paraît énorme, ça paraît peut-être dur en fait pour les personnes qui disent moi je suis pas habituée aux réseaux sociaux ou moi j'ai pas envie de parler devant la télé ou dans les médias, etc. Je sais pas écrire, je sais pas voilà. Déjà, on part avec plein d'a priori sur ces trucs-là, mais la première chose en fait pour faire ça, pour faire ce travail de soi, se faire identifier, c'est juste simplement de dire ce que vous aimez faire et c'est la base en fait. Animer, pourquoi est-ce que vous êtes aux 2030 glorieuses? Pourquoi est-ce que vous êtes venu vous saisir de cet outil-là qui est génialissime et qui permet justement de se projeter sur une utopie? Vous avez chacun une histoire, vous avez chacun une porte d'entrée en fait aux 2030 glorieuses et partir de ça, simplement dire pourquoi est-ce que vous êtes venu là et pourquoi est-ce que pour vous ça change quelque chose en fait? Pourquoi ça a un impact? Ça reboucle avec ce que je disais, à savoir se poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde en fait? Comment je réponds moi dans mon quotidien, à la cause qui m'anime, à ce qui a du sens pour moi, parce que si vous êtes là, c'est que je veux pas faire de suppositions. En tout cas, moi, si je suis rentrée là, c'est parce que j'ai eu l'impression que ça pouvait avoir un impact positif et que ça pouvait contribuer à la stratégie un peu globale que j'ai de le monde va devenir meilleur à un moment donné, quoi. Et les individus vont trouver des espaces pour rêver dans cette ambiance morose. Et chacun, vous avez une réponse, je pense, à cette question-là. Et ça, c'est le début de votre personal branding, si on peut l'appeler avec des mots techniques. Et j'ai pas peur, vous l'avez remarqué, d'utiliser des mots techniques parce que, en fait, c'est pas parce qu'on est en 2030 glorieuse qu'on peut pas récupérer des concepts qui fonctionnent, en fait, de 2024 et qu'on les transforme, en fait, à notre manière et qu'on les fait évoluer à notre manière. Moi, je suis pas pour la cancel culture de « on efface et on recommence ». Il y a de très bonnes idées aujourd'hui qu'on peut prendre et qu'on peut adapter. Et tu l'as dit, les politiciens, je refais la boucle sur ce que tu disais, à savoir les politiciens, ils utilisent des compétences de relationnel, de vente, mais parfois à mauvais escient. On peut aussi les utiliser à bon escient. Donc, en fait, encore une fois, c'est des petites techniques qui fonctionnent bien et qui peuvent être utilisées. Donc, parler de soi, si je résume, parler de soi et de pourquoi on est là et pourquoi ça nous anime, nous, c'est le meilleur moyen de vendre, en fait. C'est le meilleur moyen de convaincre les autres. Et ne cherchez pas à rentrer dans des stratégies en fait pour convaincre et pour argumenter à une personne en face de vous, parce que si vous lui parlez avec le cœur, en fait, elle se sentira concernée aussi, parce que vous allez lui parler avec des choses qui vont la toucher aussi. On a beaucoup de choses en commun en fait dans ce qui nous touche en tant qu'être humain. D'ailleurs, micro parenthèse, j'ai un peu banni ce mot convaincre parce qu'il y a l'idée d'avoir un gagnant et un perdant, et donc. En général, je dis même, bon, donc convaincre, il y a, et puis les gens rigolent en disant, oh, il y a con, mais il y a aussi, ouais, vraiment cette idée de vaincre. Il y a l'opposition, en tout cas, c'est sûr. Ouais, de rompre un peu cette idée de sachant et de questionner énormément. T'as raison, en général, plus je questionne et plus j'arrive à faire en sorte que les gens se déplacent, alors que quand j'essaie de convaincre et d'avoir une vraie confrontation argumentaire, je me rends compte que ça marche pas. Et donc, de poser des questions sur les obstacles, les limites, les frustrations des gens, je trouve que ça aide vachement à créer un espace de conversation. Ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, je voulais te parler de Lisa, qui était une amie de fac, dont j'étais très jaloux, parce que elle était hyper forte pour créer du lien. Elle était tout le temps dans les meet-up, les réunions. Elle allait trinquer avec tout le monde. Elle se faisait un réseau de malades. Tout le monde la connaissait. Et en fait, cette nana, j'avais l'impression qu'elle avait toujours un coup d'avance sur moi parce que elle avait un réseau incroyable. Et ça, à mon époque, j'avais l'impression que c'était le meilleur moyen de, là, en l'occurrence, se vendre parce que ça lui permettait d'avoir des jobs de rêve. Ça lui permettait de trouver les appartes de fou et du coup je me pose la question si finalement au lieu de viser sur le très long terme du personal branding comme tu le dis, même si je pense qu'on peut questionner un peu le terme, en fait il faut pas mieux aller dans toutes les conférences, les tables rondes, les événements, des tiers lieux, des organisations avec lesquelles on pourrait être proche et de créer ce réseau et que ça serait en fait pas peut-être plus efficace. J'en reviens à la question de c'est quoi un bon commercial ou comment le point numéro un, c'était se connaître soi, connaître ses forces. Et donc, en fait, selon qu'on ait un profil extraverti ou introverti, qui n'est pas expansif et timide, hein, c'est pas l'opposition, hein, extraverti, introverti, c'est des personnes qui soit vont plutôt avoir besoin de se connecter au groupe pour s'énergiser, soit qui vont avoir besoin de moments de solitude pour pouvoir intégrer et ingérer l'information qu'ils ont à traiter. Et donc, selon qu'on est extraverti ou introverti, déjà, en fait, on va peut-être pas être à l'aise d'aller faire 12 000 conférences dans le mois. Mais par contre, on sera mieux derrière un écran à réfléchir à comment est-ce qu'on peut écrire, par exemple, peut-être quelque chose qui part de notre cœur et qui explique pourquoi est-ce que nous, on a l'impression que le futur pourrait ressembler à ci, à ça. Ça, c'est le premier truc. Donc, se connaître soi, connaître ses forces, ça permet aussi de faire le tri sur un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition pour justement se connecter avec les autres. Ensuite, évidemment, moi, ce que je pense, c'est que l'avenir, c'est clairement le réseau, c'est la communauté, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est le groupe, c'est le collectif. Hein, je ne ferai pas l'associatif, je ne serais pas là si je ne pensais pas ça. Les pairs, l'échange de pair à pair. Et donc, c'est sûr que c'est une force et que c'est génial ce que vous êtes en train de construire là, en fait, avec ce groupe-là et qu'il ne faut pas hésiter à faire ça et que du coup, forcément, le pouvoir de la recommandation vient avec ça. Ah, oui, je connais Laetitia ou je connais Arthur ou je connais qui anime ça dans telle région à tel endroit et du coup, je te passe le contact. Quelqu'un qui me demande pour une sophrologue, je pense tout de suite à Mélodie, la compagne d'Arthur. Enfin, en fait, c'est ça la force du réseau, c'est se connaître et connaître les autres parce que c'est comme ça qu'on peut ensuite passer du lien. Et encore une fois, ça ne nécessite pas pour celles et ceux qui ne s'en sentiraient pas à l'aise et qui ont eu des sueurs froides quand Julien a dit aller dans des conférences toutes les semaines, ça ne nécessite pas d'aller forcément dans des conférences. On peut aussi créer du réseau petit à petit à côté de soi. Et effectivement, sur son territoire, tu l'as dit, c'est une vraie force d'être implanté. Avec ses amis, mais c'est toujours en parlant de soi. C'est-à-dire, si on ne parle pas, si on ne dit pas ce qu'on fait, tu le disais, je crois que c'est Laetitia qui disait « Je suis trop heureuse, j'ai pitché mon projet. » C'est ça, hein, c'était toi. Et j'ai eu un super retour positif. Je ne sais pas si tu te sens plutôt introverti, extraverti. En tout cas, pour quelqu'un d'introverti, ça peut être très, très difficile de faire ce que tu as fait. Et donc, ça demande beaucoup de courage et d'énergie. Et donc, le faire avec des personnes proches de soi qui sont des amis, en qui on a confiance ou la famille, c'est aussi un premier pas. Et ces personnes-là qui peuvent ensuite être un tremplin vers un réseau un peu plus large. Voilà. Donc, pensez aussi de cette manière-là. Je pense que ça peut aussi vous rassurer que le premier pas n'est pas si grand que ça à faire. Tu nous parles de réseau, Audrey, et de temps en temps, moi, j'ai tendance à penser qu'on a beaucoup de chance parce qu'on arrive quelques années après la grande tendance là, c'est pas une tendance, c'est même carrément une vague des fresques, des ateliers d'automne, inventons nos vies bas carbone avec un format qui est très complémentaire et naïvement, on se dirait, agissant avec l'envie de créer ou de participer à un monde plus durable et solidaire, on va s'entraider et naïvement, moi j'aurais tendance à penser qu'on peut aller taper aux portes de toutes ces personnes, ces organisations, en leur disant « Mais regardez, nous on arrive avec le truc d'après, ouvrez-nous votre réseau, ouvrez-nous vos contacts, ajoutez-nous à tout ça ». Et de temps en temps, j'ai remarqué par le passé que dans le secteur associatif, il y avait un peu quand même cette idée de compétition, cette idée qu'on peut en fait chasser sur nos terrains, se prendre des parts de marché, des clients potentiels. Est-ce que tu aurais un conseil à toutes les personnes qui sont ici et qui, elles, justement, ont dans les mains ces ateliers d'après qui permettent de sortir de l'idée de la sobriété à tout prix, qui permettent d'aller après l'éco-anxiété qui est souvent révélée par ces ateliers. pour qu'elles apparaissent non pas comme des concurrentes, non pas comme des compétitrices, mais au contraire vraiment comme des associées, des personnes qui vraiment en fait se sont là pour aider. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait faire, des choses qu'on pourrait dire? Tu as peut-être des exemples qui viendraient? Moi, pour le coup, ça me paraît vraiment hyper complémentaire, les deux outils, pour connaître bien, enfin, pour, en tout cas, je crois avoir compris le fonctionnement des deux. Et pour aussi, moi, je ne l'ai pas dit, mais du coup, quand j'étais directrice de Tous Élus, on avait aussi des outils pédagogiques, à la fois de mise en situation des jeux de rôle, mais aussi des outils d'apprentissage par le jeu, d'éducation populaire pour les sujets de citoyenneté, d'engagement, etc. Donc, j'en ai vu quelques-uns aussi de mon côté. Moi, ce que je crois, c'est que toute la partie fresque, elle existe pour engendrer une prise de conscience déjà et détricoter un système qui est très très complexe à comprendre souvent. Quand je dis système, je parle système au sens presque scientifique, hein. Un organisme très complexe, des intrications, des liens d'interdépendance entre soit des conséquences, des causes, et puis ou des personnes, des organisations, bref. Donc c'est un outil de compréhension, de vulgarisation pour moi, de sujets complexes scientifiques. Donc ça, c'est un premier point. À côté de ça, il y a d'autres outils qui, pour moi, sont là pour déclencher une envie de passage à l'action. Et les 2030 Glorieux, c'est vraiment là pour ça. C'est-à-dire, je vais vivre dans mon corps une expérience d'utopie, de projection, d'engagement. C'était le cas aussi avec... Et je le vois bien l'opposition, parce que vraiment, chez Tous Élus, on avait les deux types de jeux, quoi. On avait la dernière élection avant la fin du monde qui nous permettait de vivre une campagne politique dans l'espace et donc de vivre pour la première fois peut-être une expérience de groupe de « je fais campagne pour machin, je défends les jeunes, machin, ok ». Et à côté de ça, j'avais des outils qui me permettaient de vulgariser, de simplifier la compréhension des institutions françaises, de ce à quoi servaient les élections, bon bref. Donc c'est totalement complémentaire, c'est totalement deux niveaux d'impact différents, mais c'est essentiel que ces deux choses-là existent, absolument, elles sont totalement complémentaires. Et moi, ce que je pense, c'est que quand vous les présentez aux personnes qui sont concernées, qui sont intéressées, elles voient très très bien la différence. Ce qui pose problème, et là c'est un autre niveau du coup de comment on fait, ce qui pose problème, et tu l'as dit, c'est dans l'écosystème de la sensibilisation du milieu associatif, il y a de la concurrence, ou en tout cas, il y a un ressenti de concurrence, et donc de la défiance des acteurs les uns par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que le secteur associatif, il est hyper tendu, que c'est très très difficile d'avoir des financements, que c'est on pousse les organisations et les associations de plus en plus à développer des services, en fait, des produits, pour pouvoir être rentables. En gros, hein, c'est un peu ça le... Donc, si on prend avec bienveillance ça, on peut comprendre que ce soit tendu dans leur tête, ça. Mais moi, ce que je vois aussi, et je vois la lumière parce que j'ai quand même un œil 2030 glorieuse, je vois la lumière vers la coopération, le fait de créer ensemble des consortiums d'acteurs qui proposent des offres en fait combinées. Et je crois que c'est en train d'arriver. Hein. Il me semble que plusieurs acteurs des fresques se sont rassemblés en région PACA. Sous le nom de, comment je vois Arthur qui nod les FADA, merci. Et donc je me dis, en fait voilà, il y a quand même de la lumière au bout du tunnel, il y a quand même des acteurs qui se disent en fait on est plus fort ensemble quand même, et ça vaut le coup de se rassembler. Donc je pense que c'est aussi que les 2030 Glorieuses, c'est un nouvel arrivant sur le marché entre guillemets, et donc il y a besoin de quelque part trouver où sont les alliés. Mais encore une fois, vraiment, les fresques ne sont pas ne sont pas les concurrents, si ce n'est dans les budgets RSE. Bon, et encore, je veux dire, il y a 60 millions de personnes en France. Il y a suffisamment de place dans le marché pour qu'on ne soit pas en train de se marcher dessus. Et moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des frictions avec certaines personnes sur votre territoire à côté de vous qui sont fresqueurs ou qui font d'autres types d'ateliers, eh bien, de vous rapprocher et de vous dire, et si on proposait une offre un peu, concomitante, plutôt que de dire toi c'est cette partie-là du territoire, le nord, moi c'est le sud. Bon, voilà, ça me semble pas très coopératif. Au contraire, moi je pense qu'il faut aller vers plus de coopération et de transparence aussi, et aussi se dire que il y a des fois où ça va pas coller parce que il y a aussi des personnes qui n'ont pas, qui sont pas câblées comme nous forcément sur l'envie de coopération, et c'est pas grave en fait, c'est ok. Ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure hein, sur le fait que on peut reprendre des outils de l'ancien monde. Si vous regardez en périphérie des villes, il y a toujours cette rue entière où il y a tous les concessionnaires automobiles qui sont les uns à côté des autres, parce que en fait, on est mieux identifié. Donc là, l'idée de coopérer, de se rassembler, ça permet justement de mieux s'identifier. Et en plux, je trouve que la chance des 2030 Glorieuses, c'est qu'elles peuvent, elles peuvent être utilisées après, forcément, les fraises, parce qu'on imagine bien le côté, je regarde la fraise, je la vis, je me prends mon coup d'éco-anxiété, et puis ensuite, j'ai envie de regarder plus haut, de me remettre à rêver, donc là, je vis le voyage en 2030 Glorieuses. Mais parfois, pour certains, ils ont un peu l'impression que la fraise, que ça va être trop dur, et donc c'est un cap trop difficile à passer, et le fait de regarder plus loin, de se dire, on peut rêver, demain n'est pas foutu, ça peut être l'énergie qui va leur permettre derrière de se dire, ok, allez, j'y crois, et donc je me confronte à la difficulté du présent et je vis une fresque. Et donc, il y a un peu cette complémentarité qui se fait dans les deux sens, et ça, je pense que c'est important de le savoir, de dire potentiellement si jamais vous avez effectivement, comme le disait Audrey, des gens qui disent là, non, désolé, mais en fait, on va être en compétition, et moi, ça ne m'intéresse pas de travailler avec toi. Très honnêtement, pardon, pour rebondir sur ça, enfin vraiment, les quelques fois où moi j'en ai parlé dernièrement aux personnes et où j'ai présenté plusieurs outils, parce que vraiment j'en ai plein en tête des outils pour avoir travaillé avec plein de structures différentes, que ça aille de Débacteur à tous ces lieux, en passant par Démocratie Ouverte, les fresques et 2030 Glorieuses, bien sûr. Vraiment, quand je présente les outils, je présente des intérêts pédagogiques et ou intellectuels différents. C'est-à-dire que ça, on va pas vivre un 2030 Glorieuses pour la même raison qu'on va aller se mettre à aller s'inscrire à une fresque du climat, quoi. C'est, et c'est à nous aussi, voilà, mais c'est là où c'est intéressant, parce que vous les connaissez aussi, ces outils, vous les avez pratiqués, il y en a, je pense, plusieurs d'entre vous qui sont aussi fresqueurs d'autres choses. Vous avez en plus de ça l'expérience d'avoir vécu ces outils-là, et donc vous savez au fond, en fait, très bien ce qu'ils apportent comme finalité, comme réaction, comme impact, qu'est-ce qu'ils ont sur les gens, comment les gens sortent de là, etc. Donc c'est à nous aussi de faire de la pédagogie auprès des personnes à qui on parle, pour expliquer, parce qu'on ne peut pas attendre d'eux qui devinent en fait à quoi servent les jeux s'ils n'y ont pas déjà joué en fait. Donc c'est normal aussi, voilà, qu'on fasse le pas vers eux de leur expliquer. Désolée, je voulais juste rebondir en réaffirmant. En préambule, on s'est rencontrés l'année dernière, en fin d'année, hein, il me semble, et en tout début d'année, si je me mélange les pinceaux, il y a quelques semaines en tout cas, et avec cette idée que tu pouvais potentiellement nous aider sur cet aspect commercial, on a fait circuler un formulaire auprès de tous les guides qui aimeraient vivre de leur vie de guide, justement. Est-ce que tu as reçu des réponses? Est-ce que tu as analysé ces réponses? Et si oui, qu'est-ce que tu retires à chaud pour l'instant de ce qui ressort de nos guides et de ce qu'ils t'ont dit? Je n'ai pas analysé en profondeur vos réponses, mais on travaille ensemble avec Arthur sur ce sujet-là. Ce qui est ressorti quand même, de manière un peu générale, c'est une forme d'hétérogénéité quand même entre les différents guides, d'expérience sur des aspects différents, et en même temps de public avec lequel vous avez pu travailler, fresquer, ou parce qu'il y en a qui ont des activités mélangées par outils. Ce qui est ressorti de manière très très prégnante, c'était l'envie d'être accompagné et d'avoir un outillage. Il y avait quand même une majorité de personnes qui avaient des activités mixtes, c'est-à-dire qui ne cherchaient pas à faire que du 2030 Glorieuses pour vivre, mais pourquoi pas. Il y avait une personne, si je me souviens bien, qui voulait en vivre à 100%. Mais du coup, c'était quand même encourageant pour moi d'avoir fait passer ce questionnaire, et on va analyser les réponses avec Arthur la semaine prochaine et commencer à vous proposer des choses. Il y a quelque chose qui est ressorti très très très fort, c'était le sujet du prix libre. Comme point de blocage, de coinçage, ou en tout cas comme élément qui questionne, sur lequel on n'a pas forcément des outils, ou voilà, qu'on ne fait pas forcément, qu'on ne présente pas forcément. Ça ne veut pas dire que... Enfin, je dis ça vraiment sans avoir lu en détail, du coup, les commentaires. Donc, surtout, si vous ne vous sentez pas visé par ce que je dis, ne vous formalisez pas. On regardera tout ça bien en détail. Mais voilà, il y avait quand même cette question du prix. Et en même temps, c'est normal, parce que c'est toujours hyper difficile d'associer une valeur à ce qu'on fait. Parce que ça veut dire, en fait, aussi, se faire confiance, se sentir légitime pour être la personne qui porte un message, un outil, une solution. Et voilà, donc il faut décomplexer tout ça, travailler sur ces choses-là, et on va le faire. Enfin, j'ai envie de le faire avec vous. Je pense que c'est un chouette travail, même sur soi, quoi, c'est du travail aussi de se connaître soi et de se sentir légitime, de se sentir capable et à la bonne place. Et ça, ça fait partie, c'est ça, être bon commercial aussi, quoi, quelque part. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on prenne les 5-10 minutes qui nous restent tous les deux pour évoquer cette question du prix. Quand j'ai commencé à intervenir avec, au début, le projet « Ça commence par moi », j'étais vraiment paumé niveau prix. Je ne savais pas quoi facturer quand j'intervenais pour animer un atelier d'intelligence collective, un boire de café, d'engagement citoyen, ce genre de choses. Et un jour, j'ai échangé à l'époque, c'était le président du Crédit Coopératif qui m'avait dit, je crois qu'ils avaient payé pour leur dernière conférence à leur AG annuel, Marie Drucker, 10 000 euros. Et en plus, elle était animatrice de la conférence. Et donc, en fait, pour... 3 coups de fil d'une demi-heure auprès des 3 invités. Je pense que franchement, je serais dû à peine ce qu'elle a fait. Plus le temps de la présence d'une heure et demie sur place, elle avait facturé 10 000 euros. Et le moment où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, si on se permet de pouvoir facturer ça pour aussi peu de valeur autre que pour son nom, alors nous qui avons vraiment de la valeur, on peut être un peu plus ambitieux. J'ai pas jamais facturé 10 000 euros pour une conférence, pour un atelier, ça c'est sûr. En tout cas, ça m'a vachement aidé. Et je vois que là, nous, clairement, c'est un axe de travail, puisque quand on a fait un peu l'analyse des chiffres sur 2023, avec Arthur, on se rend compte que nous, en moyenne, on facture autour de nos voyages en 2030 glorieuses, parce que c'est quand même majoritairement et entreprises et collectivités et associations, un tiers, je dirais. On a environ une fourchette de 800 000 euros dans nos facturations par atelier. On a vu que nos guides, eux, quand ils facturaient, la fourchette, elle était plutôt autour de 300-500 euros. Et donc, on a un vrai travail pour les aider à valoriser ça. Parce qu'on ne veut pas que, à force, dans l'imaginaire, on se dise « Mais en fait, trop bien, le voyage en 2030 glorieuse, il ne vaut pas cher. » D'autant que malheureusement, à notre époque, on continue à comparer. Et un atelier comme la fresque du climat, lui, il facture très cher. Comment on peut aider à donner le juste prix, justement, pour montrer que faire rêver les gens en entreprise ou ailleurs, ça a un prix et ça a une vraie valeur. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, j'adore le concept du prix libre. Prix conscient, non orienté, voilà, c'est ouais. Ça. Non orienté, c'est-à-dire, moi, j'aime pas le concept de prix libre, mais en fait, tu peux donner entre telle fourchette et telle fourchette. Mais c'est vraiment, vraiment très personnel. Aussi parce que j'ai travaillé pas mal avec des populations qui sont en fait précaires quand même. Je faisais de l'aide alimentaire pendant 4-5 ans dans une organisation qui s'appelle Zéco Charlie, et j'ai quand même beaucoup discuté avec des gens et de leur rapport à l'argent, enfin bref, à la valeur des choses et tout. Je sais qu'on entend beaucoup le si c'est gratuit ça n'a pas de valeur et tout, bon, mais d'orienter le prix, ça me questionne. Pour autant, Qu'est-ce qui fait que l'autre a envie, en fait, de payer? C'est la rareté, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet de mode, c'est ces choses-là qu'il faut aller travailler, c'est-à-dire comment je sublime ce que je suis en train de proposer, comment je fais en sorte que ce soit genre l'endroit où tout le monde a envie d'être, que ce soit le jeu que tout le monde a envie d'expérimenter, comment je raconte, en fait, l'expérience que je suis en train de proposer ou que j'aimerais faire vivre aux gens, avec quoi ils ressortent. En fait, si les personnes qui sortent, enfin, avant de commencer, si les personnes à qui vous proposez ça comprennent avec quoi elles vont repartir, quelle valeur ça a, en fait, pour elles derrière d'avoir vécu ce voyage, alors forcément, c'est quelque chose qui, dans le cerveau, en fait, je peux pas passer à côté de ça, en fait, je peux pas ne pas vivre cette expérience, parce que aujourd'hui je suis triste, je suis morose, bon bah j'ai un boulot, ok, je trouve à peu près du sens, mais en fait au fond je me demande quand même qu'est-ce qui va devenir ce monde. Et en fait, si je sais qu'à la fin de ça, de nouveau j'ai un milliard de perspectives qui s'ouvrent et que j'ai envie d'agir et que j'ai envie de me lancer, si c'est ça que je cherche, hein, bien sûr, encore une fois, il faut bien connaître, je l'ai déjà dit, il faut bien connaître les personnes à qui on propose les choses, hein, c'est le point numéro 2. Mais ça, c'est ça, en fait, effet de rareté, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui peut animer ça, et c'est pas n'importe comment que ça s'anime, hein. C'est quand même un truc, il y a un jeu, c'est hyper carré, c'est bien pensé, c'est beau, et c'est très important, et c'est beau, c'est un beau jeu que vous avez. Et qu'est-ce que, voilà, et en quoi c'est quelque chose de spécial, en fait. C'est pas juste encore une fresque. C'est juste quelque chose de transformateur. C'est une expérience comme, en fait, vous en faites pas deux. C'est comme les gens qui ensuite vont faire de l'ayahuasca. Enfin, ils en reviennent. On est prêt à prendre un billet pour aller à l'autre bout de la planète pour faire une cérémonie ayahuasca avec un chaman fou dans un, voilà, dans l'Amazonie. Pourquoi les gens font ça, à votre avis? Ben, il faut dénouer ce truc-là et se dire, ben, en fait, ils feront la même chose pour le 2030. Et donc, il y a un peu un truc comme ça de, quel est le rêve, mais réel, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas en train de leur vendre de la poudre aux yeux. On leur vend une expérience, en fait, aussi à ces gens de transformation. Et ça a un coût, et c'est normal, en fait. Ça a un coût parce que c'est rare, parce que c'est exceptionnel. Il faut faire attention avec la comparaison avec l'ayahuasca, parce qu'on dit que là, c'est pas toi qui vas à l'ayahuasca, c'est l'ayahuasca qui vient à toi. Et donc, mais ne sont pas les 2030 glorieuses qui sont venues à moi. Je ne crois pas que j'ai été aux 2030 glorieuses, personnellement. C'est une bonne remarque. Est-ce que il y a une manière de valoriser différemment les voyages en 2030 glorieuses par la simple valorisation pécuniaire? Est-ce que là, à la direction de nos guides, tu peux leur expliquer ou pas pourquoi de temps en temps, ben, en fait, derrière la gratuité, il y a aussi d'autres choses qui ont de la valeur, parce qu'on ouvre un réseau, on ouvre une possibilité derrière de consolider, de mettre en avant, de raconter. Et parfois, ben, en fait, y aller gratos, c'est une super bonne stratégie, parce que ben, ça permet derrière d'avoir 3-4 opportunités sur les deux prochaines années, et que ça peut aussi lancer plein de choses. Ouais. Ouais, bah, carrément, oui. Parce que dans ce cas-là, on peut tout faire gratos, en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme tout, il faut choisir ses combats, en fait. Enfin, c'est désolé d'utiliser encore. Il faut choisir ses engagements. Il faut choisir ses engagements, il faut choisir là où on met de l'énergie, là où on en met moins. Ça ne veut pas dire que ça a moins de valeur, une gratuité. Ce qui compte, c'est pas, en fait, c'est la valeur que la personne en retire. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est, ça a de la valeur pour quelqu'un qui vit le voyage. Si à la sortie de ça, en fait, il est transformé, il est heureux, parce qu'en fait, quelque part, on a contribué à notre objectif global qui est de, bah, mettre des utopies, aider les gens à rêver, à se projeter dans un futur souhaitable et donc d'avancer vers ce futur souhaitable. C'est hyper difficile de savoir quand faire de la gratuité, quand ne pas en faire. Je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est soit pour soi, en fait, pour son modèle personnel d'équilibre, personnel pro, de combien j'ai besoin pour être bien. C'est comme quand on commence une activité de freelance, on dit toujours ça. Pose-toi la question de, ou quand tu lances quand tu lances un projet, dans combien de temps il faut que je me paye et combien pour être bien. Donc, c'est-à-dire que j'ai combien de temps devant moi pour expérimenter, essayer de faire des trucs. Et en fait, c'est exactement la question qu'on doit se poser quand on est dans cette activité-là aussi de guide, je pense. En tout cas, moi, c'est la question que je me poserais, c'est je me dirais, il faut que je gagne combien pour être bien dans ma vie, pour en vivre. Et du coup, il faut que si j'ai le temps d'animer que tant de voyages, je peux en animer que un par mois, je le sais, c'est comme ça. Il faut que je facture combien et du coup, je peux en faire combien gratuit à côté. Et donc, c'est à chacun et à chacune, je pense, de vous demander. Quel est le pourcentage en fait de gratuit et de payant que vous pouvez faire? Plus vous allez entre guillemets réussir à convaincre les gens que ça a de la valeur, plus ils vous donneront un montant élevé. Il faut pas être gêné de parler d'argent. Vous avez besoin d'argent pour vivre. On est encore dans un monde, peut-être en 2030 glorieuse non, mais en tout cas aujourd'hui jusqu'à la transition, on a besoin malheureusement d'argent pour faire vivre nos projets et nos vies et nos rêves. Faut pas avoir peur de ça. Et pourquoi la gratuité c'est important? Parce qu'il y a tout simplement certaines personnes qui n'auront jamais les moyens de le payer. Et que moi, si je fais du bénévolat depuis 15 ans, que je donne mon temps gratuitement à des organisations en y passant des dizaines d'heures parfois par semaine à certaines périodes de ma vie, c'est parce que je sais que ça a de la valeur derrière ce que je fais en fait pour le collectif, pour le groupe, pour l'intérêt général. Et donc, pour moi, ça suffit, en fait, de me dire que ça, je l'ai fait gratuitement et que il y a d'autres moments dans ma vie où je me suis fait payer pour faire du coaching, de l'accompagnement, où j'ai eu un travail salarié, etc. Voilà. Donc, c'est hyper personnel, je trouve, comme question. C'est difficile de répondre à tout le monde de la même manière. Pour moi, c'est une question que vous devez vous poser, en fait. Quel est le rapport que vous avez, vous, en fait, avec vos ressources, avec votre besoin d'argent? Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question ou si j'ai un peu détourné le sujet. Oui, je viendrai de partager d'ailleurs dans le chat un calculateur qui a été créé par les écolo-humanistes qui s'appelle « Calculer son RIB, son revenu induit par ses besoins ». Du coup, ça invite à se poser de manière assez facile, simple, presque un peu grossière, mais quand même, on peut, je pense, rentrer encore plus dans le détail. mais de clairement, en fait, combien on a besoin. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ben, plus on évolue en général avec l'âge, avec les différentes les évolutions professionnelles, en général, plus ça veut dire aussi qu'on a potentiellement un salaire intéressant et on s'habitue en fait à tout. Et donc, se pose derrière la question de savoir si le niveau de vie qu'on a au bout de 15 ans d'expérience professionnelle, c'est vraiment le niveau de vie qu'on veut ou est-ce que c'est celui auquel on s'est habitué et si jamais on est dans un temps de bifurcation, ben, est-ce qu'on ose se poser la question de qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de renier un peu sur ce niveau de vie-là en termes de sens à son travail, en termes de temps dégagé. Enfin, et ça, malheureusement, en général, on n'a pas tendance à le valoriser, alors qu'en 2030 glorieuse, comme tu le sais très bien, on ne dit plus que l'argent, on dit plus que le temps, c'est de l'argent, mais on dit l'argent, c'est du temps. Hein. Et d'ailleurs, préparez vos questions, hein, je vous donne la parole dans 2 minutes, le temps qu'Audrey réponde à la dernière question que j'avais pour elle. Audrey, toi, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Dans mon dernier voyage et le premier aussi, j'étais engagée politiquement. Donc j'ai passé le cap de m'engager politiquement pour ma communauté. Et je partageais mon temps entre cet engagement politique et de l'enseignement, de l'enseignement auprès des jeunes. Je travaillais avec les enfants principalement sur l'étude de la nature des plantes. Comment est-ce qu'elles nous aident, elles nous soignent. Et comment est-ce qu'elles nous nourrissent aussi. Voilà, c'est ça mon 2030 glorieuse. Donc en 2030 glorieuse, je continue de mettre à profit mes compétences de commercial dans un cadre plus politique. Et j'ai des enfants et j'habite dans un petit village. Voilà, ça répond à la question. Il faut que je raconte plus de mon utopie. Je n'ai pas eu le temps de la travailler encore. J'attends de faire d'autres voyages. Ça a été, ouais, c'est difficile. Et en même temps, je crois savoir que ça peut changer. Arthur change régulièrement de 2030 glorieux, je crois. Ouais. Mais j'ai un peu hâte aussi de refaire des voyages pour aller creuser encore un peu ce... C'est difficile pour moi de répondre à cette question aussi parce que je suis dans une période de grande instabilité pour moi, de changement... qui a été finalement un changement un peu plus brutal que ce que j'imaginais pour moi et pour mon énergie du moment. Donc je re-questionne aussi beaucoup de choses. Je me pose vraiment la question de retravailler dans le secteur associatif, puisque c'est un secteur qui est, on l'a dit, très, très en difficulté. Mais voilà, et en même temps, de rester bien connectée à mes engagements, à mon envie d'avoir un impact. Je me pose plein de questions, mais être ici déjà, c'est contribuer un peu aux 2030 glorieuses d'une certaine manière. Ben, merci pour cette réponse. Tu sais, moi, de temps en temps, je suis membre d'une librairie de quartier. De temps en temps, je travaille dans un atelier de réparation de vélos et j'organise des vélorutions. De temps en temps, je suis journaliste du futur. De temps en temps, bon, bref, on a tous des 2030 glorieuses qui sont changeantes et c'est aussi ça qui est cool parce que ça nous permet de jamais être déçus et de prendre la bonne vague quand elle se présentera à nous. Merci pour cet échange, c'était vraiment passionnant. Bien aimé l'idée qu'on peut encore être commercial en 2030 glorieuse si on met ça vraiment à profit des autres et c'est ce qu'on essaie de faire avec les 2030 glorieuses. Donc, tu nous as échangé plein de pépites hyper précieuses, ça mérite de réécouter cet échange. Arthur, Bénédicte, Bettina, Gladys, Laetitia, Or, Samia, vous avez sans doute des questions. The floor is yours, comme on dit. Je vous propose qu'on se fasse des mains levées peut-être pour essayer de répartir la parole. Et puis on y va. Gladys, j'ai vu ta main levée à l'ancienne, ça marche aussi, t'as raison. Ah oui, c'est vrai. Mais tout le monde avait la caméra. j'ai des petits bruits de fond entre le chien et le bébé, mais je peux commencer du coup, ça dérange personne? Ouais, ok. Alors je suis vraiment restée sur la toute fin de l'échange. Gabi, une petite souris. Moi j'étais sur deux thématiques, l'homogénéité des prix sur le territoire. Vu que tu parlais, Audrey, que c'était quand même assez personnel et que voilà, ce que je comprends tout à fait. Et moi, je questionne le côté si c'est pas défini. comment ça se passe pour un atelier qui se passe à Lyon, à Marseille, à Lille. S'il y a un atelier qui est à 10, un autre à 50 et un autre à 35, je me dis que ça peut créer aussi de la confusion dans l'esprit des gens par rapport à l'expérience. Et ensuite, le deuxième point, ça rejoignait plutôt, Julien, ce que tu disais par rapport à votre facturation moyenne sur Asso Entreprise, etc., et versus les autres guides. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes et que c'est un petit peu compliqué entre le monde des entreprises qui ont des sous, là, il faut aller chercher l'argent là-bas, et puis un petit peu tous les autres, quoi. Les assos qui peinent, les individuels où il y a de la précarité. On essaye de faire des groupes mixtes de voyages. Enfin, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la mixité sociale, notamment. Et du coup, ben voilà, j'ai pas de réponse. Donc, que penses-tu, Audrey, de tout ça ? Sur l'aspect confusion des prix, pourquoi est-ce que ça te semble être un problème ? Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'il pourrait y avoir une confusion du prix ? Parce que pour moi, ce n'est pas logique qu'une même expérience, on parle du même jeu quand même, et je pense que l'idée, c'est plutôt d'avoir quelque chose d'homogène, pas de dire, enfin, je sais pas où, alors faut dire, moi, je suis guide depuis 20 ans, donc peut-être que je mérite d'avoir, j'ai plus de renommée, j'en sais rien, en fait, je le questionnais pas comme ça, mais pour moi, je trouve ça, en fait, par exemple, moi, je vis sur Tours, quand j'ai fait le voyage en 2030 glorieux, j'ai voulu regarder où est-ce que j'avais la possibilité. Moi, le plus simple, à la limite, c'était Paris. Mais imaginons que l'atelier sur Paris, il est à 10 euros. L'atelier à Tours, je ne sais pas moi, il est à 30. En fait, on crée une différence aussi sur le territoire. Et moi, je trouve pas ça très juste. Et je me dis que ça pourrait créer presque de la compétition après au sein même d'une organisation, quoi. OK. C'est un point hyper intéressant et hyper important. Ça me permet de reboucler sur un peu ce qu'on disait, à savoir, en fait... je me pose une question. Pardon, avant de dire ce que je veux dire. Quand tu parles avec une organisation et que tu parles de prix, enfin de prix libre en l'occurrence, pourquoi ou qu'est-ce que ce montant rémunère d'après toi ? Le montant qu'on te donne, qu'on te propose, il rémunère quoi ? Désolée, c'est moi qui fais les questions. Oui, là, comment oui. Alors en plus, je passe, sachant que je suis même pas guide. non, mais c'est super intéressant parce que tu mets en lumière des tensions, c'est évident, enfin qui sont évidentes, je pense, ouais. Qu'ils doivent certainement traverser d'autres personnes, donc c'est très intéressant. Pour moi, il y a le voilà, ça peut être très bien le lieu, s'il y a une nécessité quand même de le louer. L'organisation, s'il y a un minimum de matériel ou ce genre de choses. Et puis après, les 2030 glorieuses, si on reverse une partie. Et enfin, le guide. Donc, je me dis qu'il y a quand même pas mal de pôles, quoi, différents. Mmh. Ouais, carrément. Et est-ce que tu perçois qu'il y a des différences de territoire ou en fait qu'il n'y en a aucune, c'est-à-dire un voyage animé à Tours ou un voyage animé à Paris ou animé dans la Creuse, ce serait à conditions égales ou pas? Oui, t'as tout à fait raison. C'est vrai qu'on peut imaginer que justement à Paris, par exemple, le loyer soit plus cher qu'en Creuse. Il peut y avoir tout à fait des différences induites par le territoire par rapport aux différents pôles, quoi. Peut-être pas chaque pôle est différent, mais... Ou au contraire, qu'à Paris, c'est plus facile de trouver un espace gratuit dans lequel on est accueilli. Donc, on n'a pas un loyer à payer, alors qu'en Creuse, on doit louer une salle. Je fais pas de, j'ai pas d'a priori sur le sujet, mais en tout cas, ce que je crois, moi, dans ça, si tu me permets de reprendre du coup le fil de ta question, c'est qu'il y a des différences, de fait, à la fois dans les populations et dans les personnes et dans les organisations qu'on adresse, ou à qui on parle du projet, et je vous vois plus du tout en vidéo, donc je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Si, tout va bien. Okay. C'est juste que de temps en temps, le logiciel... Ok, très bien. Non, c'est juste qu'il n'y a plus personne en vidéo, donc sauf moi. Et donc, il y a aussi, bien sûr, des différences de réalité territoriale. Tu l'as dit, la location de salle ou le trajet, le transport, peut-être du guide ou de la guide qui doit aller à un point A, point B. Ça, c'est le premier point. Donc, ça me semble et tu l'as dit, je crois, toi-même, du coup, peut-être compréhensible, en tout cas, qu'il existe des différences de prix. Si on part dans cette logique de, voilà, de la même manière que il y a des différences entre les personnes qui payent des impôts selon le revenu qu'elles ont, on se pose dans cette démarche de solidarité quelque part aussi avec le fait de dire le prix sera variable en fonction de l'acteur. Et il faut être à l'aise avec ça. Et du coup, s'il y a d'autres questions, remarques à ce sujet ou des choses que vous avez envie de creuser sur ce point-là, de dire est-ce que c'est OK, est-ce que c'est normal qu'il y ait des différences, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je viens qu'on, si vous avez envie qu'on en parle maintenant, on peut, et sinon on pourra en reparler à un autre moment. Mais du coup, tu as parlé d'autre chose. Ça, c'était un peu le premier point. La confusion sur les prix, elle peut être comprise peut-être parce qu'il y a des différences effectivement réelles sur les territoires et entre les populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu as mis en avant et qui était hyper important, c'est du coup, entre nous, va y avoir de la compétition, quoi. Il y en a un qui va facturer à Tours plus cher, et puis l'autre il va venir après à un autre acteur sur Tours et il va facturer moins cher. Et donc bon, ça crée un peu des choses un peu bizarres. Sur ça, pour moi, je compte sur le réseau et sur votre communauté pour peut-être vous parler régulièrement, collaborer, vous donner de la visibilité. Ça me semble hyper important que quand vous par localisation, probablement, peut-être par région, par ville, vous soyez en lien les uns avec les autres et que vous travaillez en coopération pour aller justement peut-être à plusieurs, voir des acteurs, des gros acteurs, essayer de décrocher peut-être des collaborations plus larges que ce que vous pourriez avoir si vous étiez seul, et donc de vous répartir aussi les choses. C'est normal, encore une fois, pour moi, ça va avec la collaboration et le fait de s'entraider. Et puis aussi, bien sûr, Arthur et Julien, qui sont à temps plein sur le sujet, amènent, je pense, aussi de temps en temps des propositions en disant je pense que tout ça, pour moi, est dans la discussion. Je pense que vous n'êtes pas encore à un point où vous êtes tellement nombreux que vous ne pouvez pas vous parler, pour essayer de vous coordonner en disant écoute, peut-être que, et je crois que c'est ce que vous essayez de faire, Julien et Arthur, peut-être que sur ce type d'acteurs-là, on peut quand même se dire que y a une fourchette quand même, parce que c'est pas pareil d'animer ça auprès du centre social de quartier et d'animer ça chez j'ai pas envie de dire Total, parce que bon, mais quand même, voilà, une très grosse entreprise avec des directeurs RSE, etc., qui peuvent financer ça, qui peuvent le financer. Et c'est aussi à nous de leur dire, en fait, vous avez, quand vous financez notre jeu, vous financez pas que notre jeu, vous financez aussi une organisation qui, voilà, enfin. Je viens un peu à ton secours sur cette question de l'expérience qu'on a des dernières années. Ensuite, je donne la parole à Laetitia, puis ensuite à Bénédicte. De temps en temps, quand on dit aux entreprises, c'est prix libre et conscient, elles sont paumées, les entreprises. Et on le voit aussi de temps en temps avec le grand public. Alors, le grand public, c'est plus simple parce que on passe en général par une billetterie en ligne, c'est assez intime, et on a moins des enjeux de rémunération fort. Parce qu'il y a le volume et 10, 20, 30 personnes, ça va faire un flux continu qui peut être aussi plus régulier que les entreprises qui sont assez ponctuelles. Nous, quand on dit aux entreprises, c'est libre et conscient, en fait, c'est vous qui nous dites et qui nous valorisez. Et c'est vrai que de temps en temps, elles sont paumées. Alors, de temps en temps, on les laisse faire. Elles osent jouer le jeu à fond et en général, elles terminent par donner toujours plus d'argent que ce qu'elles avaient prévu. Il faut leur faire confiance. Et de temps en temps, elles sont vraiment paumées. Et là, il faut les aider un peu parce qu'elles nous disent, écoutez, nous, on ne sait pas. On a d'habitude de recevoir un prix. Et donc là, on donne une fourchette qui est... Et là, ça dépend un peu et c'est à rediscuter. Mais en fonction du nombre, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 1 000 et 4 500 euros. Donc, ça veut tout et rien dire. Et ça, nous, comme le dit Audrey, on est toujours tout à fait à votre disposition pour répondre en fonction de la demande qui sera faite. Laetitia, tu voulais prendre la parole, vas-y. Oui, merci. Merci beaucoup pour tout cet échange, c'était super intéressant. Et je voulais rebondir, j'aurais peut-être après une question, mais au moins rebondir là sur la notion de tarif, effectivement, et témoigner d'un peu. Alors nous, on est en train de lancer notre structure, donc on n'a pas d'expérience passée sur le paiement. On n'avait pas encore imaginé pour les entreprises lancer un prix libre et conscient. On est dans l'Est, du côté de Metz, et on sent que on est un peu en retard par rapport à certaines régions sur tout un tas d'avancées, mais bon, justement, on va pousser tout ça. Mais on a imaginé quelque chose et qui va peut-être un petit peu dans le sens, là, de ce qu'on vient de dire côté solidarité. On voudrait nous proposer à certaines entreprises des tarifs échelonnés, en fait, et se dire, OK, le tarif habituel serait de, admettons, 1 000 euros la session. Et si vous estimez que vous avez les moyens, et que ça fait sens pour vous, mettez un peu plus, mettez 1 200, 1 300, enfin ce que vous voulez, et peut-être en fléchant du coup ce supplément pour permettre à une association ou au grand public d'animer un atelier qui serait moins cher, voire gratuit. Nous, finalement, ça nous sécurise l'activité, mais ça permet aussi à l'entreprise en question de faire un geste vraiment fort pour soutenir ça. Et ça peut être aussi un autre moyen de travailler sur un niveau de tarification qui est un petit peu variable, qui change selon les interlocuteurs, tout en remettant la conscience aussi chez l'entrepreneur ou l'entreprise, de dire, OK, j'ai les moyens ou j'ai pas les moyens, tout comme un tarif solidaire qu'on voit souvent sur certaines billetteries. Voilà, donc on avait fait un jeu de mots avec le café suspendu, c'est-à-dire peut-être ce serait une presta suspendue, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà, à travailler encore, on vous dira ce que ça donne une fois qu'on aura développé ça, mais ça fait partie de la réflexion qu'on a. Et on s'est dit que c'était peut-être un moyen intermédiaire par rapport au prix libre et conscient, parce que Julien, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de proposer. Je crains qu'effectivement, il y ait des... On les perd énormément, ils ont déjà, enfin nous en tout cas, certains interlocuteurs, ils ont déjà du mal à comprendre ce qu'on veut amener. Et du coup, j'ai l'impression que ça leur fait beaucoup. Alors on testera, mais je pense qu'il faut y aller étape par étape. Super idée, Laetitia, le voyage suspendu. Bravo. Ouais, ça. Ouais, je ne sais pas si ça répond à tes questions. N'hésite pas sur le chat, Gladys, parce qu'on t'a, on a un peu, j'ai carrément distribué la parole ensuite. Peut-être que tu voulais rebondir. Donc si tu veux rebondir sur le chat, n'hésite pas. Laetitia, tu avais peut-être une question du coup. Du coup, j'essayais de faire le tri. J'étais peut-être plus sur le quelque chose d'assez pratico-pratique, mais du coup, c'est peut-être pas. Tu prends si tu veux, Audrey. Mais côté personal branding, quand t'as vraiment parlé de dire un peu ce qu'on aime faire, comment on aime le faire pour donner de la visibilité, est-ce que t'avais un vecteur précis en tête sur des réseaux sociaux, un blog, quelque chose? Enfin voilà, bon, c'est très pratico-pratique, mais des fois, ça m'intéresserait de voir un peu ta position là-dessus. Quoi. Des articles. Merci. LinkedIn, un Medium, lancer un TikTok des 2030 glorieuses. Moi, j'aurais tendance à dire, je vais te répondre un peu en faisant un détournement, mais ça dépend aussi un peu de qui tu cherches à toucher, quoi. C'est-à-dire que ça dépend. Non, deux choses. D'abord, la première, le média avec lequel tu es à l'aise. En fait, c'est ça la vraie réponse. C'est tu dois utiliser le média avec lequel tu es à l'aise, parce que si tu dois être en train de te former en même temps, d'essayer de rentrer dans un carré alors qu'en fait toi tu as des formes rondes, ça va desservir en fait ton objectif final et ça va te demander beaucoup trop d'énergie alors que ça devrait pas t'en demander. En fait, parler de soi, ça devrait pas nous demander de l'énergie. Ça devrait être quelque chose de naturel, de sincère et de simple, mais on nous apprend pas à le faire, donc c'est hyper dur en fait de le faire à l'âge adulte. Mais voilà, enfin, en tout cas, moi le seul conseil, c'est vraiment genre choisir le média qui toi te parle, avec lequel tu es à l'aise, et puis ensuite tu verras peut-être que tu iras vers autre chose. Ce qui est sûr, c'est que si tu cherches à toucher plutôt les collectivités, je te conseille plutôt d'aller sur LinkedIn que sur TikTok, et encore que de plus en plus. J'ai l'impression que ça migre. Je déconseille Twitter parce que vraiment, il n'y a plus que des bots sur Twitter. Plus personne n'utilise ce truc. Facebook, j'ai l'impression que c'est pas mal de trolls aussi. Donc, bon, voilà, il y a quand même des outils qui, de notoriété publique, sont plus très utilisés et je crois qu'ils sont un peu du passé quand même. C'est pas trop 2030 glorieuse. Mais le truc le mieux, c'est probablement d'être engagé dans une association ou dans son quartier ou dans sa ville et de par ce biais-là, du biais du bouche à oreille, hein, de se faire connaître et de parler de soi. Si j'ai envie d'être 2030 glorieuse, plutôt. Et je rajoute qu'on a tendance à oublier les médias traditionnels, mais notamment les journaux, la presse locale. Eux, ils ont de plus en plus envie de creuser ces questions de l'utopie, des nouveaux récits, des acteurs de demain. Et donc, en fait, quand on vient avec cette casquette, cette expertise, ce réseau, et qu'on leur propose, pourquoi pas, de temps en temps, une interview, de temps en temps, une tribune, de temps en temps, une rubrique, en fait, ça peut vraiment les intéresser. Donc ça aussi, ben, c'est hyper prescripteur, parce que, en fait, la PQR, elle est encore sur beaucoup de tables, encore dans beaucoup d'endroits de décision, et ça permet de toucher un territoire très ciblé, et rien que pour ça aussi, c'est vachement intéressant. C'est top, super idée, exactement, très bien. Je note, merci beaucoup. À toi, Bénédicte. Je reviens sur la tarification possible, parce que effectivement, pour sortir de la concurrence éventuellement entre guides, qui j'espère ne deviendra pas une concurrence trop dure. Aujourd'hui, mon approche, c'est plutôt de à quoi on peut comparer ce qu'apportent les 2030 glorieuses aux entreprises, essentiellement. Parce que pour les individus, effectivement, je pense que la tarification libre et consciente est certainement le meilleur moyen de avoir une approche juste et chacun y met, et en général, chacun y met ce qu'il peut, en toute bonne foi et sans aucune truc de se dire, OK, qu'est-ce que je peux en tirer un maximum pour les entreprises et pour être le plus juste. J'ai vraiment tendance à comparer ce que aujourd'hui des consultants en stratégie d'entreprise facturent. Et aujourd'hui, on est plutôt autour des 1200, 1500 euros par jour. Dans le système 2024, hein, pas dans le système 2030 Glorieux, dans le système 2024, c'est 1200, 1500 euros par jour. Et c'est clair que quand on arrive avec des outils tels que les 2030 Glorieuses, les entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas du tout ce truc de se dire « Oui, mais en fait, ce qui se joue là, c'est comment je peux définir ma stratégie d'entreprise ?» Et peut-être que c'est à nous, effectivement, d'arriver à avoir une approche qui leur permette de comprendre la puissance des 2030 Glorieuses, de l'atelier. Et du coup, est-ce que l'un de vous a cette expérience avec des entreprises de dire « Ok, il y a un prix minimal fixe qui est ben, le temps qu'on passe, qui est les déplacements, qui est ne serait-ce que le développement qui a été nécessaire pour… toi, Julien, Arthur, pour développer l'atelier, bon, ben ça, voilà, c'est le prix minimal, c'est le prix mécanique, le truc d'analyse de base. Et puis, il y a de réfléchir avec les entrepreneurs à une partie variable sur des critères avec qui on discute, hein, de dire, OK, qu'est-ce qui vous ferait dire que l'atelier, quand il se sera déroulé, aura répondu à vos attentes, aura répondu à vos... À vos critères de succès et qui fait que ben si on atteint les critères de succès par l'atelier, on chiffre en fait par rapport au prix fixe un plus mais qui est effectivement validé après succès. On n'a jamais fait ça d'avoir une tarification adaptée au succès et c'est une remarque intéressante. Audrey, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Et Bénédicte, en plus, en plus, toi, tu parles là des tarifs moyens pour un consultant. Il faut savoir que le voyage en 2030 glorieuse, il n'est pas toujours payé avec la même case budgétaire dans l'entreprise. Et donc, de temps en temps, on est dans le budget qu'on va dire RSE, engagement écologique, développement. De temps en temps, on est plutôt sur le budget événementiel, séminaire. De temps en temps, on est sur le budget com externe parce que manière de rameuter du grand public, etc. Et donc, c'est pas les mêmes latitudes budgétaires en fonction de l'endroit où aussi on va nous mettre. Ça veut dire aussi qu'on peut arriver auprès de différents interlocuteurs dans l'entreprise pour présenter les 2030 Glorieuses parce que ça peut répondre à un envie de fédérer la communauté, ça peut répondre à un envie d'avoir, comme tu le dis, une vision stratégique, ça peut répondre à un envie de créer un bon moment de team building. Et donc, le voyage est pas tout le temps dans les mêmes cases budgétaires. Audrey, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que dit Bénédicte? De manière hyper succincte, parce que je pense que c'est chouette que vous puissiez vous partager peut-être comment est-ce que vous avez approché du coup ces entreprises et quels sont les arguments que vous mettez en face. Je pense que t'as bien saisi l'enjeu, Bénédicte, à savoir en fait c'est quoi que ça leur apporte, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de faire ce jeu. Il y a quand même pas mal de... J'ai l'impression vraiment que les mentalités évoluent et que de plus en plus les... Et c'est aussi pour ça qu'il y a des budgets pour ça. Les dirigeants d'entreprise se rendent compte que plus les salariés se sentent concernés, ont l'impression que leur entreprise fait des trucs éthiques et positifs, plus ils ont envie de rester engagés longtemps. Et il y a quand même un vrai sujet de turnover des organisations et des grosses organisations. Ils ont besoin d'engagement, ils ont besoin de salariés qui font corps, l'esprit, tu vois, d'équipe, etc. Et puis il y a aussi quand même un salarié qui croit dans le projet de l'entreprise, qui se sent concerné, qui se sent valorisé, il est aussi entre guillemets plus docile à la stratégie de l'organisation puisque il la soutient, il y croit, etc. Donc quelque part elles sont plutôt preneuses de tout outil qui pourrait aider les salariés à se sentir appartenir à une entreprise qui a de l'impact et qui fait des choses positives. Je dis ça avec de grandes pincettes parce que quand bien même Total fait ça, je suis désolée, mais bon, Total n'est pas un acteur auquel on a envie d'accorder du crédit sur son envie de faire des trucs positifs pour la planète. Mais beaucoup de structures qui de plus en plus se rendent compte, mais vraiment genre hyper honnêtement, quoi, de manière authentique, que si j'ai mes salariés qui se barrent au bout de 2 ans, ou si j'ai un taux de, entre guillemets, pardon de parler avec ces mots-là encore, mais productivité, etc., pas top, c'est parce qu'en fait, les gens sont pas bien dans le boulot. Et donc, il y a quand même une vraie volonté et honnête, quoi, de la part des DRH, des RSE, d'apporter, quoi, tu vois, ce plus. Donc, je pense que ça, c'est un vrai argument. Mais je laisserai Julien et Arthur compléter sur comment est-ce qu'ils ont pu confronter ce truc-là en réel. Et puis, pour aller dans le sens de l'idée de Laetitia, pourquoi pas, plutôt que de dire il y a une prime après, on va dire, pour la partie variable de si vous êtes content, on leur propose de subventionner un voyage pour un des partenaires, tu vois, en disant, vous êtes content, vous subventionnez vous parlez nous et puis vous subventionnez un voyage pour vos partenaires. Arthur, j'ai l'impression que ce que tu as vécu avec la CEC, PACA, ça donne un peu un éclairage à ce que nous raconte Bénédicte avec quelle valeur avait été mise ou pas, c'était un peu flou, et puis l'impact derrière. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et puis, est-ce que peut-être aussi on peut raconter un peu ce que tu as réussi à mettre en place avec AXA? Parce que je trouve que l'idée d'une tarification sur d'abord un voyage, mais de présenter plein de possibilités, de temps en temps, c'est des cartes oracles sur mesure personnalisées pour l'entreprise, l'idée d'avoir une personne qui ferait une fresque grâce à de la facilitation visuelle ou la possibilité de former des personnes pour qu'ils deviennent eux-mêmes guides dans l'entreprise. Ça aussi, ça permet de donner plein de perches budgétaires qui, en général, motivent pas mal. Tu nous racontes, Arthur, s'il te plaît, ces deux expériences, please? Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà par rapport à la convention des entreprises pour le climat, donc ça fait quelques semaines, mois qu'on se connaît, qu'on se rencontre petit à petit, qu'on a des mises en relation, d'ailleurs qui aboutissent pas toutes, et puis on sait pas pourquoi, il y a plus de réponse, parce qu'on se rend compte par un autre réseau qui nous ont mis en concurrence avec d'autres ateliers, et puis on comprend pas trop et on se dit bon bah tant mieux pour nous tant mieux pour nos partenaires, quoi. Mais derrière il y a aussi des moments où ça marche et je pense que c'est important de à mon avis de faire du commerce depuis les 2030 glorieuses, c'est aussi de pas de mener des combats vains, mais justement de se laisser bercer par les opportunités qui se présentent et d'aller continuer de stimuler tout ça. Et justement, la CEC Provence Méditerranée, j'ai pu rencontrer comme ça quelqu'un avec qui ça l'a très bien fait, Mélanie, qui déploie ça. Et je lui ai parlé tout de suite du prix libre et conscient, je lui ai dit qu'on valorisait ça comme ça. Et puis, le temps a passé, ça c'était fin d'année 2023, et puis on se redit qu'on va faire un atelier. Elle me dit « Ah, en fait, tu avais bloqué la date pour février, etc. » Et j'ai plus du tout reparlé de budget. Et j'ai rencontré des équipes qui m'ont dit « Ah, mais il n'y a pas beaucoup de place dans le cursus, donc c'est pas sûr qu'on le fasse, etc. » Et du coup, moi, je commençais à avoir un petit mécanisme en moi de me dire « Ok, alors je vais donner de mon temps. En plus, en ce moment, mon temps, il est super précieux. J'arrive plus à concilier autant que j'aimerais ma vie pro et ma vie perso. Mais bon, je vais le faire quand même. Et au moins, ça va permettre au COFA, l'équipe de la CEC, de vivre un bon moment et ça sera déjà gagné. Et du coup, j'ai passé ce moment avec les COFA et ils ont tous passé un moment génial. Et derrière, à la fin, ils ont tous dit « Ah, c'est top, c'est super, il nous le faut. » Je pense que c'est sûr, là, on va l'intégrer dans le programme. Mais surtout, à la fin, sans même que j'en reparle, Mélanie, au fait, on n'en a pas reparlé, hein, mais on se recontacte pour le prix libre et conscient, hein, je te dirai. Et donc, c'est elle-même qui est revenue vers moi avec cette démarche. Et puis, c'est plus large que ça. Derrière, le fait de pouvoir impacter au niveau de la CEC, je sais qu'il y a des rayonnements potentiels derrière auprès d'autres entreprises qui pourraient vivre ça. Et il y a une vraie difficulté à arriver à faire confiance un petit peu aux futurs qui vont se présenter à nous. Et parfois, il y a des choses où on ne sait pas exactement d'où ça vient, comment ça peut éclore, etc. Et ça m'amène à AXA, justement. Bah, hier, on a parlé, Hortense nous a fait un très rapide témoignage sur le fait qu'elle avait organisé à Pixelis un cadeau pour tous ses clients. Hortense, ça fait longtemps qu'elle est dans la qualité de vie au travail et elle connaît plein de gens là-dedans et elle a invité plein de monde à participer à un voyage offert. Et donc, elle a invité plein d'entreprises à participer à un voyage où elle a fait ça entièrement gratuit et gratuitement pour des personnes qui, a priori, ont les moyens de payer clairement un ticket de 10 euros ou même 20 euros par personne. Ça leur aurait pas posé problème. Mais la démarche était différente. C'était vraiment un cadeau qu'elle voulait leur faire. Et j'ai pu inviter à cet événement justement un contact de chez AXA, Nicolas, qui m'avait contacté par le site et qui m'avait dit ah bah on m'a parlé un petit peu de votre atelier, voilà, on fait un petit peu le tour des différentes propositions et on aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Je l'ai invité, il est venu, il a bien aimé. Il y a quelqu'un d'autre qui a participé à un autre voyage grand public et de tout ça, bah, là, ils sont vraiment sur une démarche plutôt de mais génial, on apprécie. Comment est-ce qu'on peut le réadapter? Comment est-ce qu'on pourrait l'adapter pour le monde de l'assurance? Ah super, on peut modifier les supports. D'accord, bah nous on va bosser sur une carte oracle de notre côté pour l'atelier. On fait un atelier en avril et du coup ils ont vraiment valorisé cet atelier et sans que je dise rien, j'ai pas fixé de cap. C'est de lui-même qu'il a vraiment joué le jeu et qui m'a dit aussi et on veut former des personnes en interne et puis derrière on va valoriser. Comment est-ce que vous valorisez les participations en interne? Et j'ai été transparent avec lui, j'ai dit bah, c'est aussi du prix libre et conscient, effectivement la fresque du climat c'est du 3 euros par participant, mais vous c'est comme vous voulez. Il m'a dit bah, nous on valorisera à 10 euros par participant et j'ai rien dit et en fait c'est faut aussi oser faire confiance aux gens et dans plein de boîtes qui ont les moyens et bah, ils ont envie aussi de soutenir ce type de démarche et je pense qu'il y a Tout est à co-construire là-dessus, à la fois dans le relationnel avec les entreprises, mais aussi entre nous, entre guides. Et je pense que si on avait chacune des grilles tarifaires différentes, etc., et qu'on se mettait en opposition les uns par rapport aux autres, là, on pourrait avoir effectivement cette mise en concurrence de « Ah, mais un tel, il fait le voyage à 200 euros, moi, je veux en vivre et je le fais à 1500, comment je fais ?» Mais si on pratique tous le prix libre et conscient, bah finalement, il n'y a plus de concurrence, puisque la seule concurrence, c'est les opportunités que l'univers ou que sais-je qui nous apporte et l'implication, le rayonnement qu'on s'autorise. Après, ça fait une autre concurrence. Un tel, il va être meilleur en personal branding qu'un autre. Oui, bah, à ce moment-là, autant nous entraider. Et quelqu'un qui est en galère, il va pouvoir dire « Est-ce que vous pouvez me faire rayonner? Est-ce qu'on peut s'entraider ?» Et on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce type de module et qu'Audrey vient nous prêter main forte. D'autant que là où on en est, merci à Arthur pour ces super partages, parce que c'est tout frais en plus, c'est en train de nous arriver, donc du coup c'est cool qu'on puisse le relayer et le raconter. Ce qui est en train de nous arriver, c'est que, enfin moi en tout cas, depuis 3-4 ans maintenant qu'on met en place cette tarification, j'ai jamais été déçu, jamais je me suis retrouvé une seule fois avec une organisation finalement qui proposait vraiment très peu au point où je me sente lésé. J'ai toujours eu le sentiment qu'on était gagnant-gagnant et je trouve que c'est ça qui est le plus puissant. À chaque fois, j'ai l'impression qu'en fait, dès le début, on raconte, mais en fait, c'est depuis les 2030 glorieuses, les gens, ça y est, le voyage commence. Et de deux, bah, peut-être que ça va aussi créer de la place pour avoir derrière des gros voyages où on va pouvoir solliciter d'autres guides. Et donc là, nous, qu'on commence à dire, bah, en fait, on va facturer un peu plus parce qu'on veut d'autres guides et on valorise le fait qu'on ait d'autres guides. Bah, ça aussi, ça amène de la qualité au voyage et les gens sont prêts à mettre un peu plus au porte-monnaie parce qu'ils ont envie d'avoir deux, trois animateurs pour des groupes de 150, 200 personnes. Et ça, c'est assez chouette. Arthur, je te redonne la parole parce que tu as levé la main. Excuse-moi, je t'ai interrompu parce qu'il nous restait 5 minutes et je voulais éventuellement laisser une dernière question pour clôturer cette soirée. Si jamais vous l'avez, je vous invite à la laisser dans le chat. Comme ça, Audrey y répondra pour clôturer. Et je te redonne la parole, Arthur. Pardon. Je fais très vite, c'est simplement, vraiment, faites confiance au prix libre et conscient. Moi, là, chaque fois que j'ai annoncé un prix, parce qu'on m'a dit ça coûte combien, et c'était surtout au début, à chaque fois que j'ai annoncé un prix, c'était « Ah bah super, ça coûte pas cher !» Et puis du coup, j'étais un peu « mince, j'ai pas dit assez. Et il se trouve que hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui t'avait parlé, Laetitia, et où justement, bah, c'est une personne d'une ville, je sais plus quelle ville, mais on en reparlera si tu veux, et où elle m'a dit, ah, en plus, c'est pas cher, hein. Et je me suis dit, mais c'est du prix libre et conscient. Et là, elle m'a dit, ah ben nous, elle nous a fait un devis. Et je me suis dit, ah mais mince, elle a raté son coup. Bref, mais c'est OK. Mais voilà, ce petit partage, prix libre et conscient, souvent, on sait, ça marche mieux que ce qu'on pense. Ouais, Audrey commence à nous parler de Simon Sinek et son Start With Why. Peut-être, je crois, le TED le plus vu, hein. Et puis les accords Toltec, qui fait partie aussi des livres qui sont encore et encore, et c'est tant mieux, les plus vendus, si jamais vous ne les avez pas eus. Un dernier mot pour conclure, Audrey. Franchement, c'était hyper précieux. J'avoue que je me suis dit, ça se trouve, ça va être un flop total de parler de prix, de parler de technique de vente ou tout ça, et j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc rien que pour ça, merci. Audrey, la balle est dans ton camp pour conclure. Merci à vous de m'avoir proposé d'être là, et puis surtout de votre écoute. J'ai pas grand chose à dire à part ça. Donc effectivement, je vous ai partagé deux ressources qui sont, pour moi, genre indispensables, que tout le monde a lu, mais que en même temps, moi, j'ai découvert quand j'avais 27 ans. Donc je me dis qu'il y a bien encore des gens qui doivent pas les connaître, pour que j'ai mis autant de temps à arriver sur ces deux sujets-là. Pourquoi les accords Toltec? Parce que vraiment, les quatre principes, c'est des principes qui me suivent depuis que j'exerce mon métier de commercial et qui ne me lâchent jamais. Et parfois, je les oublie, et quand je me remets dessus, en fait, ça m'aide aussi à me sentir bien alignée. Donc voilà. Un petit dernier mot pour vous dire quoi. Juste que, en fait, les outils commerciaux, je pense que c'est un truc que je dis aussi souvent en formation, c'est pas la fin en soi. C'est juste quelque chose qui nous sert à valider une intuition, un questionnement. Il ne faut pas avoir peur de ces outils. Il ne faut pas non plus oublier que, en fait, pour réussir à atteindre ses objectifs, à faire de la vente, mais en 2030 glorieuse, quoi, comme on a envie de le faire, et vous l'avez compris, avec de l'impact, de la bienveillance, du sens. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de la technique, parce que ces outils techniques-là, ils ont été bien éprouvés avant. Et donc, s'ils sont encore aujourd'hui utilisés, et peut-être parfois pas à bon escient, sachez aussi qu'ils le sont, de la bonne manière parfois, et qu'ils servent à atteindre de très beaux objectifs et de très bonnes... voilà, servir de belles causes. Et c'est d'ailleurs exactement ce que Julien et Arthur vous faites. Et d'ailleurs, je ne vous connais pas du coup, Bénédicte, Bettina, Gladys, Or, Laetitia et Samia, mais je suis sûre que c'est aussi ce que vous faites. Donc voilà, bon courage, bravo pour toutes ces marches que vous gravissez chaque jour. Merci, ouais.